Les masses médias de divers pays ont présenté le 20 septembre, avec les photos du maréchal Kim Jong-un, la nouvelle de son inspection de la station de lancement des satellites Sohae pour diriger l'essai d'éjection au pan fixe du moteur de grande puissance de type nouveau pour la fusée transporteuse du satellite stationnaire. Ce sont les agences de presse TASS, Lia Novosti et Interfax, les journaux Rossiyskaya Gazeta, Kommersant, Moskovsky Komsomolets, Komsomolskaya Pravda et Buzhgulyad, la télévision 24, la radio Sputnik, les agences de presse Gazeta.ru, Correspondent, Newsru.com et Lignum, la télévision d'internet Mir24 de Russie, l'agence de presse Chinvel, les réseaux informations chinoises et planètes de Chine, l'agence de presse Tasnim, le journal Iran Daily, la télévision presse, la radio Paris Today de l'Iran, le journal thaïlandais Bangkok Post, les agences de presse AP, UPI et Bloomberg, la CNN, l'agence de presse d'internet Inca News des États-Unis, la radio BBC, l'AFP, la DPA et la revue Focus d'Allemagne.